Chapitre 16. Surprise. Enfourner une tourte tout de même, ça n'est pas la soupière à boire. Regardez attentivement ses mains, ma chère. Sont cela, à votre avis, des attributs de roturière? Ne prenez pas vos grands airs. Je vis avec vous depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous êtes constitué comme le commun des mortels, de haut en bas, devant et derrière. Je vous prierai de ne pas vous montrer vulgaire devant ma fille. Votre fille, elle a faim. J'ai reçu une éducation de dame de cour. Je sers l'un des meilleurs thés de toute la citadelle. Eh bien, si c'est avec du thé que vous pensez subvenir à ses nécessités, elle n'est pas prête de marcher normalement. Par toutes les poivrières, Bérénilde, je suis votre amie, pas votre bonne. Je ne vais pas porter moi-même ce manoir à bout de manche. Comprimée dans la chaise haute de bébé, devenue trop étroite pour son âge, Victoire suivait des yeux maman et grand-marraine qui couraient de fenêtre en fenêtre pour évacuer la fumée. Sur la table de la salle à manger, un plat recouvert d'une croûte noire dégageait une odeur très gênante. La maison avait changé depuis l'arrivée de grand-marraine. Avec son air sévère, elle découpa la croûte du plat pour examiner ce qu'il y avait dessous. Carbonisé. Et notre garde-manger se vide. Vous devriez écrire à M. Farouk. Victoire toussa, incommodée par la fumée. Maman se précipita aussitôt vers elle pour agiter son éventail devant son visage. « Je lui écris chaque jour, Madame Roselyne, mais je le fais pour le soutenir, pas pour le solliciter. Je ne m'abaisserai jamais à mendier. » « Qui vous parle de mendier notre nourriture ?» Grand-marraine posa ses poings sur les hanches. Elle avait toujours l'air fâchée, grand-marraine, mais elle ne se mettait jamais vraiment en colère. Victoire ne se sentait plus du tout intimidée par elle. En revanche, père l'effrayait, et même si elle ne comprenait pas bien la conversation, elle espérait qu'il n'était pas question de le faire venir à la maison. Père ne l'aimait pas. « Je vous parle, moi, de mériter notre nourriture, » reprit grand-marraine. « Sortons d'ici, proposons nos services, montrons-leur ce qu'on a dans le plastron. » Entre deux battements d'éventail, Victoire aperçut une fossette se creuser sur la peau en porcelaine de maman juste au coin des lèvres. C'était un sourire différent de ceux d'autrefois. Un sourire qui était apparu du jour au lendemain, en même temps que grand-marraine. Un sourire qui donnait à Victoire l'envie de sourire aussi. Ce n'était pas la maison qui avait changé. C'était maman. « Que voilà une brillante idée, Madame Roselyne. Je suis certaine que tous les nobles seraient prêts à nous couvrir de diamants pour que vous répariez leurs petits papiers. » Grand-marraine fronça les sourcils, mais un coup de cloche résonna dans la maison dès qu'elle desserra les dents. « Vous attendiez de la visite ?»« Non. Allons voir de qui il s'agit. » Victoire ne fut pas mécontente de voir maman l'arracher de cette chaise trop étroite et la prendre dans ses bras. La fossette était toujours là, au coin de ses lèvres, mais elle tremblotait comme les perles de sa boucle d'oreille. Elles se rendirent au pavillon de musique et grand-marraine se dirigea droit vers une armoire que Victoire savait être la porte d'entrée de la maison. Il y en avait une autre, tout au fond du faux parc, mais personne ne l'empruntait à part parrain. « C'est Madame Cunégonde !» dit grand-marraine en collant son œil au judas de l'armoire. « Fichtre ! Elle a pris un fameux coup de vieux. » « Est-elle venue seule ?» demanda maman. « Pour ce que j'en vois, oui. » Maman, qui serrait Victoire avec une telle force qu'elle lui coupait le souffle, relâcha ses mains de soulagement. Même si elle n'en parlait pas souvent, tout ce qui se passait à l'extérieur de la maison l'inquiétait. Victoire aurait pourtant tellement voulu se promener là dehors. Son aventure avec parrain remontait à loin maintenant. Les journées lui paraissaient longues et ses petits voyages la satisfaisaient de moins en moins. Elle avait exploré ici tout ce qui était explorable. « Vous pouvez la laisser entrer, » finit par décider maman. « Vraiment ?» s'étonna grand-marraine. « La propre sœur du baron Melchior ? Je vous ai vu repousser chaque visiteur, refuser chaque colis, mais ouvrir votre porte à une mirage dont le frère a été tué par votre neveu, ça ?» Ça ne vous paraît pas imprudent ? Nous avons toujours été solidaires, elle et moi. Les temps sont devenus difficiles pour les mirages. Les illusions ne sont plus bien perçues. L'époque des frivolités est révolue. Depuis qu'elle a fait faillite, Dame Cunégonde vit seule, je ne sais où. Mais surtout, pas un mot de cela devant elle. Sauvez les apparences et tout ce qui lui reste. Ouvrez-lui, Madame Roseline. Grand-marraine fit tourner la clé de l'armoire. Un carillon de bijoux et une odeur de parfum plus puissante encore que celle de la tourte brûlée envahirent aussitôt le pavillon de musique. Bonjour, mesdames. Victoire sentit son cœur palpiter d'excitation. La dame d'or. C'était, chaque fois qu'elle venait à la maison, une véritable fête. Elle appelait Victoire « ma petite colombe » et lui réservait toujours des surprises. Des pluies de cerises filantes, des oursons acrobatiques, des poupées danseuses et bien d'autres illusions encore. Aussi, Victoire fut-elle très déçue que la dame d'or ne lui accorde pas un seul regard. Elle n'eut d'yeux que pour grand-marraine, sa large bouche rouge s'étirant des deux côtés. « Vous ici, la rumeur était donc vraie. »« Quelle rumeur ?» marmonna grand-marraine. « Celle qui annonçait le départ, ou devrais-je dire, le retour de notre petite liseuse. » La dame d'or se tourna dans tous les sens, faisant teinter les pendeloques dorés de son voile, comme si elle cherchait quelqu'un d'autre dans le pavillon. Victoire, le prenant pour elle, espérait qu'elle la remarquerait enfin dans les bras de maman, l'appellerait ma petite colombe et lui soufflerait des confettis dans les cheveux. « Ne cherchez pas, Ophélie, très chère amie. » soupira maman. « La rumeur se trompe. J'ignore moi-même où elle est. Quel dommage !» La dame d'or souriait, mais Victoire crut voir ses longs, longs ongles rouges se contracter. « Puis-je vous proposer un thé ?» dit maman de sa voix la plus douce. « Je prendrai en échange toutes les nouvelles de la cour que vous voudrez bien me donner. » « Je ne reste pas. » dit la dame d'or. « En fait, j'espérais trouver notre ex-ambassadeur chez moi, ou plutôt chez vous. » Victoire leva la tête vers maman en sentant ses bras mollir. Elle paraissait déçue, elle aussi. « C'est que, voyez-vous, Archibald n'est pas davantage ici que ne l'est Ophélie. »« Pourquoi les cherchez-vous ? » demanda grand-marraine. « Il se cherche... » Ou, devrais-je dire, il se trouve qu'il m'a passé commande d'une illusion et qu'il n'est jamais venu sans porter acquéreur. Si vous pouviez au plus m'indiquer où le joindre, il est tellement insaisissable. La dame d'or avait toujours été un peu étrange, mais elle l'était encore plus aujourd'hui et cela intriguait énormément Victoire. C'était peut-être à cause de sa bouche. Elle prononçait chaque phrase avec hésitation, comme si elle avait abusé de ce que maman appelait « des illusions pour grandes personnes ». « Je suis navrée, ma chère Cunégonde. Vous me voyez aussi ignorante que vous, » dit maman. « Archibald doit encore musarder dans je ne sais quelle rose des vents. Il reviendra. Il revient toujours. » La dame d'or avait écouté maman avec la plus grande attention. Ses épaisses paupières tatouées s'étaient écarquillées en même temps que son sourire. « Dans ce cas, je reviendrai aussi. » Sur ces mots, la dame d'or repartit par l'armoire, comme elle était arrivée. Victoire la suivit sans même réfléchir. La surprise tant attendue n'était pas venue à elle. Ce serait donc elle qui viendrait à la surprise. Elle laissa son corps lourd et stupide dans les bras de maman pour s'élancer dehors avec la légèreté d'une pensée. Elle sautilla derrière la dame d'or qui tordait ses chevilles sur les pavés de la chaussée sans se douter qu'on lui tenait compagnie. Victoire était déjà allée quelques fois dans la rue, mais jamais en voyageant. C'était tout à fait différent. Les sons que produisaient les talons et les pendeloques de la dame d'or étaient devenus flous. Les troncs des lampadaires ondulaient comme s'ils s'étaient transformés en caoutchouc et leur lumière formait une grosse tache blanche sur l'obscurité. Victoire vit le même fiacre passer puis repasser dans la rue à quelques secondes d'intervalle. Quand elle voyageait, il lui arrivait parfois de voir ou d'entendre les choses en double. Aussi ne s'en étonna-t-elle pas. Il n'y avait pas davantage de vrai ciel ici qu'il n'y en avait à la maison. Maman avait dit à Victoire qu'il fallait prendre beaucoup de routes et beaucoup d'escaliers pour le voir, mais qu'il était si froid, ce ciel-là, qu'il changerait instantanément ses doigts en glace. Victoire n'avait ni vraiment froid ni vraiment chaud quand elle voyageait, mais elle irait voir le ciel un autre jour. La dame d'or venait de s'engouffrer dans un ascenseur au bout de la rue et Victoire dut se dépêcher d'y monter aussi. Blottie dans un coin de la cabine, elle l'observa avec une curiosité grandissante. La dame d'or ne souriait plus, mais sa façon de se tenir était très comique. Elle penchait parfois exagérément la tête sur un côté ou se grattait la hanche en faisant passer son bras derrière son dos. En baissant le regard, Victoire remarqua soudain son ombre, ou plutôt ses ombres. La dame d'or semblait en avoir plein qui grouillaient à ses pieds, comme des créatures vivantes. Est-ce que c'était une de ces illusions surprises? Victoire ne les avait pas remarquées tout à l'heure, ces ombres, avec les yeux de son autre corps. Elle suivit la dame d'or hors de l'ascenseur et dut marcher derrière elle encore un moment. Heureusement, Victoire ne se fatiguait pas en voyage, avant d'entrer avec elle dans une minuscule maisonnette. Cet endroit ressemblait au petit atelier dans lequel maman avait l'habitude de se retirer 2 heures par jour pour broder. Il y avait des bustes de mannequins, un grand tableau noir rempli de notes à la craie et un comptoir 2 fois haut comme Victoire. Mais aucune illusion nulle part. La dame d'or referma la porte derrière elle, puis elle décrocha le combiné d'un appareil téléphonique sur le comptoir. Victoire espérait qu'il se passerait quelque chose de plus intéressant. Elle commençait à s'ennuyer. « Changement de plan, » dit la dame d'or dans le combiné du téléphone. « Notre petite fugueuse n'est pas ici non plus, mais je vais m'ardater, encore un peu, m'attarder. Non, mon enfant, je préfère rester discrète. Cette madame Cunégonde n'est pas encore fable, confortable, mais elle m'ouvrira peut-être plus de portes que prévu. Dis à tous mes chers enfants de rester vigilants. Chaque jour compte. » Victoire ne comprenait rien à ce que la dame d'or racontait. Ses paroles lui parvenaient comme à travers de l'eau, et pourtant elle commençait à éprouver un léger malaise. Sa bouche n'était plus du tout hésitante. Elle l'avait suivie jusqu'ici parce que ça paraissait être une aventure follement amusante, mais en fait, elle ne s'amusait pas tellement. Elle devinait dans l'oreille de l'autre Victoire la voix minuscule de maman qui s'inquiétait. La petite chérie se perd de plus en plus souvent dans ses rêveries, et elle pouvait sentir tel un frôlement infime, sa main tiède qui lui caressait les cheveux. Elle était sur le point de retrouver la peau tiède de maman contre la sienne lorsque la dame d'or poussa une tenture derrière le comptoir pour se rendre dans une arrière-salle. Victoire ne résista pas à la curiosité de la suivre. L'appel du voyage fut, cette fois encore, le plus fort. Elle se figea en voyant la dame d'or penchée sur une deuxième dame d'or. Ce n'était pas une vision en double comme avec le fiacre dans la rue. Cette deuxième dame d'or était allongée sur un grand tapis blanc, les yeux écarquillés, un sourire de joie pure sur les lèvres, son voile à pendeloques étendu autour d'elle comme une belle flaque dorée. Une eau rouge lui sortait par le nez et les oreilles. Elle regardait, sans paraître les voir, des corps aussi transparents qu'une fumée de narguilé, entièrement nus, moitié femme et moitié homme, qui murmurait contre ses lèvres des mots qu'elle seule pouvait entendre. Victoire ne comprenait rien à ce qui se déroulait sous ses yeux. La première dame d'or dissipa d'un geste les corps nus qui flottaient autour de la deuxième dame d'or. « Cette illusion était peut-être un peu trop forte pour toi, » lui dit-elle. « Vous, mes pauvres enfants, êtes des créatures tellement fragiles. » De sa main aux immenses ongles rouges, elle ferma les paupières tatouées de la deuxième dame d'or. « Repose en paix, ma fille. Ta mort n'a pas été vaine. Grâce à ton visage, je réussirai peut-être à sonder le mauve. Sauver le monde. » Sur ces mots, la première dame d'or releva lentement la tête vers Victoire. Elle ne semblait pas la voir, mais elle plissait les yeux et fixait le coin de la pièce où elle se tenait, comme si elle pouvait sentir sa présence. toutes ses ombres se mirent aussitôt à se tordre et à ramper sous ses pieds, comme si elles voulaient se jeter sur Victoire. « Et toi, mon enfant, veux-tu aussi m'aider à sauver le monde ?» L'instant d'après, tout avait disparu. Les deux dames d'or, le tapis blanc, l'arrière-salle, Victoire avait repris la place de l'autre Victoire dans la maison. Elle était à nouveau harnachée sur la chaise de bébé trop étroite. Maman lui tendait en souriant une cuillerée de confiture. Victoire ouvrit la bouche pour hurler. Aucun son ne sortit.